Radiomatic. Where are we going tonight? Oh, the usual cocktail joint. Die, baby. We're gonna crash and burn. la transmission 326 d'Audiomatic s'ouvrait sur la musique de la formation Heat Static et la pièce-titre de son album Crash and Burn, paru en 2000. Les sonoristes qui sont heureux de vous retrouver et qui vous imposent, comme à chaque semaine, leurs suggestions musicales. Pour poursuivre cette dictature sonore, nous vous proposons d'entendre à Audiomatic le groupe sud-africain John Wizards. My soul. I'm À Audiomatique, nous vous présentions le groupe allemand Moderate, qui est formé de Sascha Ring, qui est derrière le projet Apparat, et des deux membres du duo Mode Selector. Du deuxième album de Moderate, simplement intitulé 2 en chiffres romains, et paru en 2013, nous entendions la pièce Ilona. C'était précédé du duo britannique Rocket Report et la chanson-titre de leur plus récent EP, Highs Like This. Et pour débuter, il s'agissait du groupe sud-africain John Wizards et leur composition Tek Lek Schrempf, tirée de leur album homonyme, lancé en 2013. Audiomatique se poursuit avec un retour au début des années 70 avec le projet Lucifer. Thank you. À Audiomatic, cette séquence complétait sur la musique de la formation espagnole Esplendor Geometrico et sa pièce Introspección tirée de l'album Chic Aljama, paru en 1991, mais dont les compositions ont été réalisées en 1987 et 88. Avant Esplendor Geometrico, c'était une autre formation espagnole du nom de Mecánica Popular. De son premier album Que sucede con el tiempo, sorti en 1984, nous écoutions la pièce Máquinas y Procedimientos. Et la première pièce de cette séquence musicale était l'œuvre du Canadien Mort Garson avec son projet Lucifer. Les sonoristes ont sélectionné la composition titre de l'unique album réalisé sous le pseudonyme Lucifer, soit Black Mass, qui est sorti en 1971. Les sonoristes dévoilent maintenant la suite de la programmation de cette transmission d'Audiomatic. Audiomatique se poursuivait avec la musique de l'artiste Cameron Graves, qui est un proche collaborateur de Kamasi Washington et qui, avec lui, est un des fondateurs du collectif West Coast Get Down. De son album solo intitulé Seven et qui paraîtra le 19 février prochain, nous entendions la pièce Sons of Creation. Précédemment à Cameron Graves, nous avions droit au groupe belge Aksak Maboul, qui a été fondé en 1977 et qui a fait paraître un nouvel album en 2020 intitulé Figure. De cet album a été extrait un single qui s'intitule Un Caïd et qui a été lancé sous forme de EP sur lequel on peut retrouver la pièce Eyelids and Phosphines, Aksak Reconstruction, que l'on vous présentait dans ce bloc musical. Et pour débuter, c'était Noise Unit, qui est un des projets parallèles de Bill Leeb, un des membres de la formation canadienne Frontline Assembly. Bill Leeb a fondé Noise Unit en 1989 en compagnie de Mark Verhagen du groupe belge Clinic. Le seul membre constant de Noise Unit a toujours été Bill Leeb, qui, en plus de collaborer avec Mark Verhagen, a travaillé avec Rhys Fulber et Chris Peterson. Du premier album de Noise Unit, Grinding into Emptiness, paru en 1989, nous écoutions la pièce Ritualistic. La transmission 326 d'Audiomatique prendra fin sur une version alternative de la pièce Wound, composée par le projet Velvet Acid Christ. Le Vivisected Mix apparaît sur le single titre de la pièce Wound, alors que la version originale se retrouve sur l'album intitulé Lust for Blood. Mercredi prochain, dès 17h, la transmission 327 d'Audiomatique se fera entendre sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Puis, éventuellement, vous pourrez retrouver la balado-diffusion de cette émission sur nos plateformes, comme entre autres facebook.com/audiomatique-cfou et également mixcloud.com/audiomatique. Voici Velvet Acid Christ et la pièce Wound, le Vivisected Mix. C'était Audiomatique avec les Sonoristes. Damage. he may die outright as a result of further brain damage. If not, he will be killed by an injection of formaldehyde into his brain, or by having his brain frozen and then being decapitated. Anesthesia is not required by law for such procedures. Most of the monkeys in these pictures have had one or more arms or legs surgically impaired by an operation called deafferentation, in which the nerves at the spine are severed, rendering one or more limbs useless. Earlier experiments in this laboratory involved taking one-day-old monkeys, sewing their eyes shut, and then crippling both of their arms. This is a conditioning chamber, a converted refrigerator, with a plexiglass restraining device inside of it. The monkey is put inside this soundproof and lightproof chamber. An electrode is taped to his left ear or to either hand or foot. The monkey will then be given electric shocks, shocks which will continue until he uses his crippled arm. A monkey is about to have nerves severed at his spine. He's lying face down with his wrists taped to the large metal bars and his head and neck have been shaved. Nerves will be cut at the spine or complete vertebrae will be cut from the spine. Technicians frequently cut open animals while their hearts were still beating. A large volume of blood indicates that these rabbits were still alive when their ears were severed. Because of the severe psychological deprivation that these animals are forced to endure, the deprived monkeys pick at their own flesh, making their injuries even worse. We have reduced these wonderful animals to this.